le mix de Ludo. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sordia FM. Ludo in the mix. Thank you. de Ludo. We'll be right back.

le mix de Ludo. Ludo. le mix de Ludo. Le mix de Ludo.

Le mix de Ludo. Petite nouveauté. Au fait, bonsoir, c'est Ludo. Après une heure de mix, je daigne enfin vous parler. Bonne soirée à vous. C'est Ludo qui vous emmène encore pour une heure pile, le mix de Ludo. À l'instant, c'était Camélia Campbello avec son nouveau single Bongo Yet. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Et le samedi à 22h sur Sorgia FM. le mix de Ludo. Yeah. le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Thank you. Saturday, Sunday. Le mix de Ludo. Petite ambiguïté de bouton, on va dire. Non mais, ça arrive. Le mix de Ludo. J'ai été troublé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été troublé. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Encore... 40 minutes de son non-stop. Voici Shakira. Bonne soirée à vous, Ludo qui vous emmène. Le vendredi soir, 21h, 23h et le samedi, 22h, minuit, le mix de Ludo. Thank you.

are done by you. Some things look better, baby, just passing through. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Do you ever feel De Ludo. Those would be the best. best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. Allez, accélérons un petit peu pour cette dernière partie. Ça, c'est vieux, ça. Milieu des années 90. State of House. Bonne soirée à vous. Je vous retrouve demain pour le mix de Ludo. le mix de Ludo. Techno. le mix de Ludo. Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain pour un nouvel nouvelle édition du mix de Ludo. Demain samedi entre 22h et minuit. Sinon on se retrouve vendredi prochain à partir de 21h et le samedi également. Ciao ciao ciao. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Qu'est-ce que c'est bon ça? Cosmic Gate, c'est vieux, mais c'est très très bon. Expression of Space. Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur SagiFM. Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur SagiFM.